Les éléphants paranoïaques craquent, craquent, craquent, craquent. Ils regardent derrière les palmiers s'il n'y a pas quelqu'un qui se cache. Les éléphants sont tout flippés, il faut se méfier quand ils se fâchent. Les éléphants dans la savane se suivent mais ne se ressemblent pas. Ils ont des chapeaux melons et mangent plein de bananes ou bien du chocolat et chantent de drôles de chansons. Les éléphants se trompent absolument, un éléphant se tout défait. Avec leurs grosses lunettes noires, on dirait des espions géants. Regardez bien les éléphants qui cassent tout dans la forêt pour trouver quelque chose à boire. Un éléphant, c'est épatant. Les éléphants viennent en taxi et braquent toutes les pharmacies. Puis ils repartent dans la jungle, écouter de la musique de dingue. Les éléphants sont sympathiques avec leur faune en plastique. Les éléphants paranoïaques craquent, craquent, craquent, craquent. Ils regardent derrière les palmiers. Y a pas quelqu'un qui se cache. Les éléphants sont tout flippés. Faut se méfier quand ils se fâchent. Les éléphants paranoïaques, les éléphants paranoïaques, les éléphants paranoïaques, les éléphants paranoïaques, les éléphants paranoïaques, les éléphants paranoïaques, les éléphants paranoïaques.